chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. It's California love. Bonsoir tout le monde, nous sommes le samedi 1er décembre, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie, il est tout juste 18h à Louviers. Sur la plus normande des radios, Dorian. On est reparti comme toutes les semaines à cette heure-ci pour un nouveau classement de l'Espace Top 20. Espace, plus de sons, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et on est reparti comme toutes les semaines pour un nouveau classement qui a un petit peu bougé cette semaine. Ça va démarrer dans quelques instants avec le numéro 20, mais je vais vous annoncer les trois prochains. Donc numéro 18, Quelqu'un, ça ira mieux. Numéro 19, Black Coffee, David Guetta, doit Evil perd de 2 points. Et puis numéro 20, toujours assis sur sa petite place, Bad Bunny et Dwayne avec Mia. Tiens, mon téléphone qui sonne, on n'est pas très sérieux dans cette radio. Passez une très belle soirée. Et puis rendez-vous ce dimanche 9 décembre du côté de Surville pour le marché de Noël. Ça se déroulera sur la place de la boulangerie de 9h à 17h. Et puis, petite info comme ça, parce que je vous aime bien, sachez que M. Pokora a annoncé son grand retour avec le Pyramide Tour et un passage prévu au Zénith de Rouen le 15 octobre 2019. La billetterie est d'ores et déjà ouverte. Dépêchez-vous d'acheter vos billets, ça part très très vite. Bonne soirée, bon week-end. Voici le numéro 20 maintenant, Bad Bunny. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah, bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar. Yeah. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto.

journée. Espace. Myself. I keep the shining everywhere I go. Espace, la plus normande des radios. Espace, en mode souvenir. En mode souvenir. Laissez-nous vos messages comme d'habitude au 0950 35 50 50. On les diffuse toute la semaine dans l'After School avec Ludo et dans l'After Work avec, eh bien, moi, hein, comme d'habitude. Pour l'instant, on va passer en mode souvenir avant de découvrir la suite du classement. C'est Daniel Balavoine, Laziza et rendez-vous à Lisieux ce samedi 8 décembre pour une brocante. Normande des radios. Espace Top 20. Top 20. Les 20 meilleurs sons. Les 20 meilleurs tubes. C'est le Top 20. On est reparti dans cette nouvelle demi-heure et on va aller du numéro 15 au numéro 12 de l'espace Top 20. Et ça démarre maintenant avec le numéro 15 qui perd 3 places par rapport à la semaine dernière. Petite gamelle, mais bon, ça arrive, hein, c'est normal. Voici Jonas Blue avec Polaroid. Et puis au niveau des événements, je vous donne rendez-vous du côté de la Emmalherbe ce dimanche 9 décembre pour un marché de Noël. Ça fleurit un peu partout. Passez une très belle soirée et un bon week-end. Espace, top 20. Le top 20, numéro 15.

Cette année avec Volvo, c'est Noël suédois avant l'heure. Jusqu'au 31 décembre, la Volvo V40 suréquipée est à 295€ par mois sans apport. Location longue durée 48 mois pour une V40 signature édition 9, 40 000 km, entretien et garantie offert. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018 et accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. Volvo, JFC Normandie, rond-point de KR à Normanville. Retour des meilleurs tubes. Dans quelques secondes. Sur Espace. Réservez votre dimanche 2 décembre pour la nouvelle édition des Petits Brocs. Une foire à tout, dédiée exclusivement aux petits et aux ados. Entrée gratuite pour tous. Buvette, restauration sur place. Inscription samedi 1er décembre à partir de 10h. Renseignements 06 11 03 85 69 et les réseaux sociaux. Yeah. Les Petits Brocs, la foire à tout préféré des enfants. Dimanche 2 décembre, 9h-18h, Halle des Expositions, Évreux. Organisation Comité des Fêtes d'Évreux, c'est encore mieux. La plus normande des radios, Espace Radio. Espace, top 20. Le top 20, numéro 14. Coming for you. You're gonna feel me like the summer, like the sun in your eyes. Hold tight, another minute, another hour, baby. I'ma show you you can rely on me. I'll give you all you need. In a small cloud, trying to find ground in the place where. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie, on vous publie pas mal de contenu. En ce moment, c'était Martin Garrix, Burnout, numéro 14 de l'Espace Top 20. Voici maintenant pour vous le numéro 13 qui fait son entrée, c'est Silk City avec Electricity. Enfin non, en fait, je viens de revérifier, il ne fait pas son entrée, il perd de la place par rapport à la semaine dernière. Oui, oui, oui, quel malheur. Bon allez, numéro 13. 91.6, la plus normande des radios. Top 20. Numéro 13. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling so strong. I know you've been treating your

avec Ludo. L'After School. Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. Voilà, c'est fini pour la première heure de l'Espace Top 20. Mais on continue dans quelques instants avec les 11 premiers du classement. Mais pour l'instant, on va faire une petite pause souvenir. Voici les Bee Gees. Oh, Deep It's Your Love. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite. Soyez prudents sur les routes. Bon week-end. Et puis, bon marché de Noël. Je sais que c'est en cours en ce moment. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share. Vous avez pensé à ouvrir la première case du calendrier de l'Avent. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Espace en ce samedi soir. Il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La mobilisation des Gilets jaunes, acte 3, avec de nouvelles scènes de violence à Paris et notamment sur les Champs-Élysées. Elles ont donné lieu à 183 interpellations, dont une cinquantaine au rond-point de l'Étoile. 80 personnes ont été blessées, 14 parmi les forces de l'ordre selon la préfecture de police. Des casseurs ont mis le feu à des voitures et du mobilier urbain dans le quartier des Champs-Élysées. Et François Hollande a réagi, l'a qualifié d'inadmissible, intolérable et inqualifiable à ces scènes de violence. Par ailleurs, des gilets jaunes sont parvenus à monter au sommet de l'Arc de Triomphe en marge de la manifestation. Dans le reste de l'actualité, à Annecy, en Haute-Savoie, deux personnes sont décédées cette nuit dans l'explosion d'un immeuble, sans doute dû au gaz. Il s'agirait des occupants de l'appartement, un couple d'octogénaires. Six blessés également à déplorer, dont un pompier. 13 habitants sont ressortis indemnes du bâtiment, fortement endommagés par le sinistre. Les pompiers ont dû consolider l'immeuble qui menaçait de s'effondrer avant de pouvoir pénétrer dans l'appartement où l'explosion s'est produite. Et puis, l'information est tombée dans la nuit. L'ancien président des États-Unis, George Bush, est mort. Ex-président républicain de 1989 à 1993 et vice-président de Ronald Reagan, il s'est éteint à l'âge de 94 ans. Son mandat a été marqué par la fin de la guerre froide et la réunification de l'Allemagne. Et de nombreuses réactions suite à cette disparition. Depuis Buenos Aires, où il se trouve pour le G20, Emmanuel Macron a salué la mémoire du 41e président des États-Unis. Il a décrit un grand dirigeant et un soutien sans faille de l'alliance avec l'Europe. Le président américain Donald Trump a quant à lui salué le leadership inébranlable de son prédécesseur. Et puis, carnet noir avec la disparition de la comédienne Maria Pacôme. L'actrice a joué dans des dizaines de rôles au cinéma comme à la télévision. Elle s'est éteinte à l'âge de 95 ans des suites d'une longue maladie. Sur la plus normande des radios, Dorian. Deuxième heure pour continuer de découvrir le classement Espace Top 20. Espace, espace, plus de son, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et c'est reparti avec le numéro 11 dans quelques secondes. Ce sera les Maroon 5 Girls Like You. Le temps pour moi de vous donner rendez-vous ce mercredi 5 décembre du côté de la Ludomédiathèque communautaire d'Étrépagny avec Espace pour un atelier radio animé par notre cher Cédric. Vous pouvez toujours réserver au 02 32 27 91 54. Sinon, soyez prudents sur les routes évidemment. Et puis rancard pour les marchés de Noël un peu partout dans la région et notamment Rouen-Givray. Voici le numéro 11. Espace Top 20. Le Top 20. Numéro 11. It's been 24 hours anymore. I was with you. You spent the weekend getting even. Ooh. Making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close. 'Cause girls like you roll around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. We took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls

Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on. If I just held on, but it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you. Caigo, Sandro Cavazza, Happy Now, numéro 1 de l'espace top 20 de cette semaine. Bonne soirée, bon week-end. Et rencard jeudi du côté d'Evreux pour la foire Saint-Nicolas avec Espace. 19h53, voici David Leroy pour la Proc TV de ce samedi soir. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le samedi 1er décembre. Ce soir sur TF1, attention les amis, c'est du sérieux, hein, c'est la grande finale de Danse avec les Stars. Hein. Voilà. Hein. J'ai quand même réussi à ne pas voir une seule émission et j'en suis pas peu fier. 23h15, Danse avec les Stars, la suite. France 2, Michel Drucker est en prime, le grand show de l'humour. Alors au programme ce soir, Kev Adams, Laurent Gérard, Franck Dubosc, Michel Larocque ou Pierre Palmade entre autres. 23h40, on n'est pas couché, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Et cette semaine, Charles Consigny, que j'aime autant que l'idée d'aller me faire faire une prise de sang, est devenu avocat. Et il a fanfaronné sur Twitter toute la semaine. France 3, le commissaire Magellan pour débuter la soirée avec une rediff. Et Magellan et Mongeville en seconde partie de soirée. Et là aussi, ce sont des rediffs. Canal, tueur. Donc là, tu imagines bien qu'on va pas être au pays de Mickey. C'est un film policier. L'histoire se passe entre 1982 et 1985. Une bande de criminels masqués nommés les tueurs du Brabant sème la terreur en Belgique. Arte, Cléopâtre, portrait d'une tueuse, c'est un docu-fiction, donc on refait pas le match, hein, mais on refait l'histoire avec des comédiens souvent pas bons, hein, tu as l'impression d'être dans un soap opéra brésilien. Oh, bonjour Cléopâtre. Oh, comment vas-tu? Tu as très bonne mine aujourd'hui. M6, le meilleur pâtissier en famille, ça continue, ce sont les meilleurs candidats qui viennent se défier pour un soir. Le meilleur de la TNT, échappée belle ce soir, nous sommes en Tunisie, le soleil de la Méditerranée,